Aujourd'hui, je vous parle de cette autre béatitude promise par le Christ. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vivre de façon juste, pratiquer la justice, être un homme intègre et ayant des principes n'est pas populaire dans notre siècle corrompu. Le domaine des affaires et surtout en politique, l'injustice et les pots de vin sous la table sont monnaie courante. Les hommes d'affaires doivent être honnêtes et les politiciens incorruptibles. Aux chefs d'entreprise, ayez la réputation d'être un homme équitable, qui donne son dû à un autre lorsque quelque chose lui est dû. Ne retenez pas le salaire à celui qui a travaillé pour vous. Donnez une augmentation à celui qui travaille fort et qui en mérite une. Également, Jésus a dit « Que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » En d'autres mots, soyez vrai. Que le oui qui sort de votre bouche soit l'écho du oui de votre cœur et que le non qui sorte de votre bouche ait d'abord été prononcé par un non de votre cœur. Ne ressemblons pas au diable qui contourne et tord la vérité. Être juste, selon la définition que donne la Bible, c'est également exercer la charité envers autrui. Ne pas tourner la tête devant la misère et la pauvreté. L'homme juste pratique la charité. Il a de la bonté et il est touché des maux d'autrui et les soulage selon son pouvoir. Jésus a dit « J'ai eu faim et j'ai eu soif, et vous m'avez donné à manger, et vous m'avez donné à boire. J'étais malade ou en prison, et vous êtes venu me visiter. » Il dit finalement « Et les justes entreront dans le royaume éternel qui a été préparé pour eux dès la fondation du monde. » Il est clair ici encore que la justice a une incidence directe sur notre salut. Aux chrétiens, je dis ceci. Cessez de dire « Nous avons Jésus comme sauveur » et produisez des fruits justes et dignes de votre appel. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu après votre mort, vous devrez avoir vécu en homme juste et pas seulement en avoir porté l'étiquette. Un incroyant juste entrera dans le royaume de Dieu avant un croyant injuste. Sous l'Ancien Testament, Dieu déclarait juste la personne qui accomplissait des actions justes. Il en est de même sous le Nouveau Testament. En Jésus-Christ, les croyants sont déclarés justes parce qu'ils se sont repentis de leur passé et qu'ils se sont engagés dans un nouveau mode de vie qui sera juste. La justification n'est pas seulement une sorte d'étiquette que Dieu nous aurait apposée sur le front. Un chrétien qui ne cherche pas à vivre de façon contraire à ses anciens péchés n'est plus justifié. Il perd la justification. Toute la justice que Christ lui avait donnée lui sera retirée. Si la justice délivre de la mort, dit le Proverbe 10, verset 2, l'injustice y fait retomber. Que personne ne vous trompe, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, dit la Bible, chrétien ou pas. De même, selon la parole de Christ, les justes hériteront le royaume de Dieu, chrétien ou non. La justice de Dieu est bonne à suivre en exemple, mais les hommes justes ne sont pas les bienvenus dans ce monde, car les injustes se sentent accusés en leur présence. Pour être persécutés pour la justice, il suffit simplement de parler de ce qui est juste et de prendre position contre ce qui ne l'est pas. Si nous condamnons les voies injustes des hommes, nous serons toujours persécutés d'une façon ou d'une autre par ceux qui ont des vues injustes. Quand nous condamnons le péché comme un mauvais mode de vie, la persécution devient plus que certaine. Mais heureux ceux qui condamnent le péché comme mauvais et qui le font par fidélité. Étant persécutés pour la justice, nous prouvons notre justification et assurons notre salut. Ainsi, par notre persévérance à vivre justement malgré son impopularité, nous nous associons à Jésus-Christ et aux premiers chrétiens dont le sang était la semence de l'Église. Notre ferme position à l'égard du bien et du mal est un témoignage d'intégrité que Dieu remarque du haut du ciel. Si ce message vous a concerné, que votre cœur vous fait quelques reproches, si vous vous sentez interpellé, fermez les yeux et faites cette prière avec moi. « Mon Dieu, je menais ma vie selon le train de ce monde. j'ai été injuste, corrompu et malhonnête dans mes affaires. Je vois maintenant que j'étais dans une voie de perdition. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux marcher derrière lui, à son exemple, et être un homme droit, intègre, et produire des fruits charitables. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.